But nothing off the beat. Play. You get a shovel in the dark. Sur la route de la ville de Londres. Et tu observes Georges à la guitare, il connaît tous les accords. Il ne se préoccupe que de la rythmique, il cherche pas à faire chanter ou pleurer sa gratte. Et une vieille guitare est tout ce qu'il peut s'offrir. Quand il apparaît dans la lumière pour jouer son morceau. Et Harry se moque de ne pas faire de scène. Il a un boulot de jour et s'en sort pas mal. Il sait jouer le honky tonk de même que n'importe quoi d'autre. Il réserve ça pour la nuit du vendredi. Avec les sultans du swing. Et un groupe de gamins qui font les imbéciles dans un coin. Sous les habillés de leurs plus beaux pantalons. Ils ne prêtent aucune attention au moindre doux jouant de la trompette. C'était pas ce qu'ils appellent du rock'n'roll. Mais les sultans jouent du créole. Et ensuite il y a cet homme qui s'approche du microphone. Il dit à la fin alors que la cloche retentit. Merci, bonne nuit, maintenant est temps de rentrer. Et ajoute rapidement un petit détail supplémentaire. cette guitare. Thank you. Ok, 1, 2, you understand?